HF, félin, funeste, Paul Kwan. Métropolitaine poésie. J'ai en moi tant de ben, ma puissance de NN. Dans ma tête il règne et je veille. Sans moi en famille, trop eu de sommeil. Le réveil se fait sans merveille, donc ça brille dans les esprits. Ça craint, prends les gains et l'emprunt. Et dur à rembourser ça. Choc, les tontines devenues routine. Tête, dans notre quotidien, bled, bien du bête. Là où les âmes contrôlent le roro. En lingot, pour les rares, le diable à 0-0, du blabla. Dans nos blocs, le manque de thunes, j'en fous la corde de nos têtes blanches. L'homme blanc, Asia, Rico, rouillard. De nos quartiers, claqué, pas du tout, pendant. Rapper, pour la gloire, c'est pendant. Mais pour que les thunes, si vous êtes les livres qu'on vive mieux. Dans nos rives, les mecs souvent ivres de rêve, en ivre, et donc peu, Venise vieux. Merde, trop de port, démerde-toi. Toi, là, quoi. On fait partie du décor, la France nous bouffe mais on reste connecté. Dedans ou dehors, les gros s'agrippent dans l'action, les tripes infectées par la situation telle qu'elle. Adaptée à la grande punition, nous laisse des séquelles. Toujours concernés par les événements, fatigués, paupières cernées. Largués par le gouvernement prosterné, par les magouilles, politiciens prosternés. Au pouvoir, va savoir comment se taire depuis la naissance. Renfermé dans le globe de l'obéissance. Oppression, répression, vie malsaine, manque de patience. Toujours concerné, tout se permet. Toujours un jour, se crée un permis dans nos têtes, confusion imprégnée. Dans cette vie, reste pas figé, piégé, vous m'en dire, très mitigé. Enragé, la réussite, on vient la dompter. La narguer, y'a pas de star, on prépare l'assaut des gosses du trottoir. Depuis 1978, j'ai mis les 760. De mentir, j'ai vu ma conduite se forger, se tromper sur fond de filles de bise. Putain, l'année de vie que son sale est mieux. Gosse comme un autre, en peu d'années d'existence. Mes sens, vue et goût s'en ressentent sur mes pros. Je les entends, elles viennent et vont, comme ceux qui vont et viennent de rien. Reviennent quelques petits tours et puis s'en vont. Retombant sur la mesure crame, mesure que les grammes liquent pas le temps. Le graal se situe ailleurs que dans l'argent couleur chrome. Mais bon, ici on mange jusqu'à ce que ça cale, jusqu'à ce que ça canne. Respirant des cônes, on scanne et cogne alors que d'autres queens. Y'a pas de king, chez nous juste des magouilles, des mômes goûtant très tôt. Dès leur année zéro, couille de leur vie, leur rue, leur renouveau et ses vestiges. Belle et traite comme une dame de 23 piges, tu piges. Eh, hey, toi tu m'écoutes, toi qui prends conscience de ce que je dis. Qu'est-ce qui te sépare de moi, qu'est-ce qui différencie? C'est peut-être les années de galère avec une nom similaire. De toute façon tu vas te reconnaître dans ces rimes. Ce que je crache, ça jette à autos comme la morphine. D'autres solutions aucune, je sais que les gosses veulent des thunes. Illuminer le quartier, faire péter les spots, épater les potes, faire d'avoir sans colt. Sous les hall, casse les mentals. Ça les pop, trop glauque, trop de glauques, toujours les mêmes blocs. Tout circule, on se moque de tout, on brise tout, on s'en fout. Bref, on encaisse tout sans sous, sans rien, c'est fou. Le mal plane autour de nous, nous attire vers une délinquance plus réfléchie. La rue laisse des traces, qu'on veuille ou non, on agit. On s'agit dès le vent souffle, vifton, amis. Vos amis, incarcération, libération, vifton, amis. Surveillance des ennemis, nous revient l'incarcération. En fait, là, je présente la vérité telle qu'elle est sexy. C'est des travestis pour contre-maille investis. Mais qui ne vivent pas ici, Saint-Exupéry. Ces années belles et la famille Curie. Connaissance du rinté, du 32 Saint-Amassis. On veut tous être blindés, âge gosse du trottoir. Devenu hors la loi dans les cris et toujours à la recherche du savoir. Dans cette vie, reste pas figé, piégé, vous m'en dire, très mitigé. Enragé, la réussite, on vient la dompter. La narguer, y'a pas de star, on prépare l'assaut des gosses du trottoir. Dans cette vie, reste pas figé, piégé, vous m'en dire, très mitigé. Enragé, la réussite, on vient la dompter. La narguer, y'a pas de star, on prépare l'assaut des gosses du trottoir. À tous les gosses du trottoir, à tous ceux qui sont au placard, faites gaffe aux traites. Comité Parabellum, Parabellum, Parabellum.